Chapitre 4. La salle où Sir Everard donnait ses audiences n'était autre qu'une ancienne chapelle, édifiée à l'époque où les gentilshommes de quelque importance avaient leur chapelain. C'était une pièce très élevée, revêtue de boiseries, à l'aspect sévère et froid, en dépit du charbon de terre qui brûlait dans une immense grille encaissée au fond de la cheminée. Sur le bureau du magistrat étaient posées deux lampes avec des abat-jour. Doué Dieu perçant, Sir Everard voyait aussi clairement dans une demi-obscurité que bien des gens en plein midi. Humphrey Vargas se tenait debout à une certaine distance du bureau. Nous connaissons déjà cet homme grossier et vulgaire. Le voilà, ses deux bras ballants, ouvrant et fermant ses mains, larges et rugueuses, avec des crispations nerveuses. Son chien est couché à ses pieds. Le laquais avait eu beau vouloir s'interposer, il avait bien été obligé de céder. « Où je vais, va mon chien, » avait dit Vargas. « Il faut pendre l'un de nous deux si vous voulez nous séparer. » Le chien ne bougeait pas, tout en se tenant évidemment sur la défensive, comme un chien qui aurait conscience d'appartenir à la classe des criminels. « Eh bien, qu'avez-vous à me dire ?» demanda Sir Everard à Vargas. « Je viens pour me faire arrêter. Vous êtes singulièrement consciencieux. Quel est celui de vos nombreux crimes que vous désirez expier ?» Sir Everard regardait sévèrement le vagabond, tout en lui parlant d'un ton peu sérieux. Il croyait avoir affaire à un ivrogne. Mais il vit tout de suite qu'il se trompait. Les joues creuses et livides de cet individu indiquaient la privation de nourriture plutôt que l'abus de la boisson. Son regard avait une expression grave, et il se tenait ferme et droit sur ses jambes. Sa parole n'avait rien d'embarrassé. À son air, on voyait qu'il savait ce qu'il voulait dire. « Je viens me dénoncer comme l'auteur d'un meurtre commis par moi il y a 20 ans. Je suis l'assassin de M. Blake. » Sir Everard attacha un long et profond regard sur le misérable qui venait de faire avec tant de sang-froid le plus terrible des aveux. Que n'eût-il pas donné pour pénétrer jusqu'au fond de l'âme de celui qui s'accusait ainsi ?« À vous en croire, » dit Sir Everard, « vous êtes l'auteur de ce crime, mais l'êtes-vous réellement » ajouta-t-il d'un air de doute. J'avais la conviction que tôt ou tard nous retrouverions les traces du coupable. Toutefois, je n'imaginais pas qu'il viendrait se dénoncer lui-même. Allons, racontez-moi les faits aussi simplement et aussi succinctement que vous pourrez. J'écrirai tout ce que vous allez dire. Je ferai lire ensuite cette déposition devant vous en présence d'un témoin. Puis vous la signerez de votre nom, comprenez-vous ? Oui, répondit Vargas sans témoigner la moindre émotion. Eh bien, commencez, dit le magistrat en prenant une plume et en attachant sur le coupable un regard froid et sévère. Je n'ai eu que de la malchance cette année-là, dit-il. D'abord, je perdis ma femme. Peut-être ai-je eu des torts envers elle. À quoi bon en parler? Elle était économe et sage. Elle ne fut pas plutôt morte et enterrée que je me jetai dans la débauche et menai la vie de cabaret. Là seulement, je trouvais chaleur, lumière, société. J'y dépensais tout ce que je gagnais. Je m'accoutumais peu à peu à passer des semaines entières hors de la maison. Un jour, étant sans ouvrage, je m'enfuis, abandonnant mes enfants à leur malheureux sort. Vous avez abandonné vos enfants. L'assistance publique les a adoptés et tous sont venus à bien. On plaça les filles au service, les garçons dans le commerce. On leur inspira le respect d'eux-mêmes et l'amour du travail. C'est beaucoup plus que je n'aurais pu faire pour eux. Je m'éloignais de mon pays natal, cherchant ma vie à l'aventure. Qui donc aurait voulu me donner asile? Personne que je sache. Malgré tout, j'avais beau me débattre, le sort me ramenait toujours dans la direction d'Hawthorpe. Un matin d'octobre, j'étais debout près d'un poteau dans un endroit sauvage de la campagne, moitié bois, moitié friche. Là, plusieurs routes se croisaient. J'épelais le nom inscrit sur le poteau sans me douter que le village fût si rapproché. Je savais seulement que j'étais sur le comté. Les bois, les montagnes ne me semblaient pas inconnus. Je me souvins bientôt que je n'étais qu'à 2 heures de mes enfants. Un frisson me courut dans tout le corps. Je n'avais rien mangé. J'avais 3 sous dans ma poche et il me fallait faire un bon kilomètre pour arriver à une auberge où je puisse demander une chope de bière. Le temps était doux, le sol gras et humide. J'aurais voulu me reposer, mais j'avais aperçu dans le lointain, sur le versant de la colline, les habits rouges des chasseurs. Et je ne me souciais pas d'en rencontrer aucun, vu que j'avais fait autrefois le métier de rabatteur. Alors je m'enfonçais dans le bois et me cachais dans le creux d'un vieux chêne. Je restai blotti dans cet abri pendant 2 heures environ, fumant ma pipe pour tremper mon estomac. Je ne sortis de là que lorsque le jour commença à tomber. J'avais entendu plus d'une fois la voix des chasseurs. Ils galopaient à travers bois. J'espérais, grâce à l'obscurité, pouvoir regagner la grande route sans rencontrer personne qui pût me reconnaître. Je pris à travers champs. Il y avait tantôt 8 jours que j'errais ainsi à l'aventure, dormant tantôt dans un fossé, tantôt sous une meule, endolori, fatigué, à moitié mort. Je portais un paquet sur le dos, un gourdin à la main, me traînant plutôt que marchant. Des chauves-souris volaient effarées au-dessus de ma tête. Tout était gris et triste. Le soleil était resté caché toute la journée. Chaque pas que je faisais dans la boue me coûtait un effort. J'étais dans un état où le diable a beau jeu pour s'emparer facilement de vous. Je mourais de faim, de soif, de fatigue. Me sentant au cœur une rage haineuse contre tous ceux qui ne connaissent ni la misère ni les privations. Pourquoi n'étaient-ils pas à ma place, et moi à la leur? Bien d'autres se sont posé la même question, et se l'adresseront dans l'avenir. Ces pensées m'absorbèrent jusqu'au moment où j'arrivai au sentier qui conduit de Hawthorpe à Highlear par le bois de Blatchmardean. J'entendais alors le pas d'un cheval lancé au galop. Je me rangeai de côté pour laisser le champ libre à l'animal, mais bien décidé aussi à tendre la main au cavalier. C'était un beau monsieur en grand costume de chasse. Je lui débitai mon éternelle complainte. Ma femme était malade, j'avais 6 enfants en bas âge, j'étais sans ouvrage. En levant les yeux, je vis M. Blake, qui m'avait chassé de chez lui à cause de méfaits commis par mon chien sur des faisans dont il faisait un cas tout particulier. Nous nous reconnûmes simultanément. « Retirez-vous de mon chemin, vagabond » s'écria-t-il. « Je ne vous donnerai pas un sou pour vous empêcher de mourir de faim, vous et votre famille. » Il était superbe, dans son habit écarlate et sa culotte de velours. Sa grosse montre, sa chaîne et son cachet brillaient à la lueur jaune du jour. Il avait grand air. Sa chaîne et sa montre valaient bien au bas mot 1000 francs. Je me dis que sa bourse devait être bien garnie de pièces d'or, car malgré le refus qu'il venait de m'adresser, je savais qu'il n'en prodiguait pas moins ses bienfaits à tort et à travers, quand bon lui semblait. À cet instant, j'eus comme un éblouissement. Et le diable murmura à mon oreille « Jette cet orgueilleux à bas de son cheval et tue-le !» Je regardai autour de moi, la nuit s'épaississait. « Je serai bien loin, me dis-je, avant que personne passe en cet endroit. » Puis je me demandai si je pouvais exécuter mon horrible dessein. Le cavalier était grand et bien découplé, le cheval vigoureux. Pendant que j'hésitais, Satan, l'infernal Satan, me dit encore « Je te prêterai aide et secours, va !» Marche donc. Là-dessus, posant mon paquet à terre, je saisis la bride du cheval, j'assenai un tel coup de gourdin sur la tête de l'animal qu'il s'affaissa sous lui. Une lutte horrible s'engage alors entre Maître Blake et moi. Il me cingla la figure avec son fouet à lanière de cuir. Nous nous étreignions avec fureur. Mon adversaire avait sur moi l'avantage de la taille, mais son chapeau étant tombé au premier moment de la lutte, je lui fendis la tête comme si elle eût été de verre, à l'aide de mon redoutable bâton. Blake était mort. Je traînai son cadavre dans le fossé voisin et me mis en demeure de fouiller ma victime. Je lui enlevai sa bourse, sa montre, sa chaîne d'or, son cachet et une bague ornée d'un gros diamant qu'il avait au petit doigt. J'avais fait une bonne journée, à condition toutefois qu'il fût bien mort, car on ne sait pas de quoi les médecins sont capables aujourd'hui. Après avoir mis la chaîne, la montre, la bague, dans un mouchoir que je nouais solidement, j'enfonçai le tout dans une des poches de mon pantalon, puis je passai mon gourdin en travers de mon paquet, et je repris ainsi la direction de la grande route. « Quand et où avez-vous vendu les objets volés ?» demanda Sir Everard après une pause. « À Great Barford, 6 semaines environ après le jour du crime. N'avez-vous rien à ajouter à ce qui précède ?»« Non, Sir Everard. » Tout le temps que durèrent ces aveux, Sir Everard s'était tenu le front appuyé sur la main gauche, tandis que de la droite il prenait des notes. Vargas ne put donc voir l'impression produite par ces paroles. « Allons, maintenant, ne croyez-vous pas que vous feriez bien oublier ce que vous venez de raconter ?» reprit le magistrat d'un ton cordial. « Quelques gens, sans nul doute, se laisseront prendre à votre récit. Mais il n'en est pas de même en ce qui me concerne. Je connais trop bien pour cela la curieuse et complexe machine que l'on appelle esprit humain. Je ne reste convaincu que d'une chose, c'est que vous êtes dans la misère et que vous avez besoin d'un logement pour cette nuit. Je ne rétracterai rien de ce que j'ai dit. Je maintiens bel et bien ce que vous avez entendu. Avez-vous bien réfléchi que c'est un cas de pendaison? Je ne suis pas convaincu qu'après 20 ans, le temps ne fait rien à l'affaire, et cette circonstance ne vous vaudra aucune atténuation de peine. » En lui donnant un coup de gourdin sur le crâne, je ne savais pas qu'il en mourrait. « Je ne pense pas que vous trouviez un jury disposé à prendre en considération de si étranges subtilités. La mort de M. Blake a produit une profonde impression dans le pays. Il était aimé, estimé de tous. Vos jours sont comptés, croyez-moi. Quand votre déposition aura passé sous les yeux de 12 jurés, habitants du pays, bon, on verra. Je crois que j'en sortirai sain et sauf. S'il n'en est autrement, je quitterai la vie sans regret. Allons, Sir Everard, appelez votre témoin. Je veux signer cette déclaration. Mais vous êtes fou ! S'écria le baronnet. Et un fou obstiné, ce qui est pire encore. Si je refuse de recevoir votre déposition, je présume que vous irez trouver d'autres magistrats. Assurément. Puisque vous y tenez, je n'ai plus qu'à vous faire conduire en prison, dit Sir Everard en agitant une sonnette qui résonna bruyamment au dehors. Rappelez-vous, ajouta-t-il, que lorsque vous serez sorti d'ici, il ne sera plus en mon pouvoir de vous être d'aucun secours, au cas où vous viendriez à changer d'idée. Je n'en changerai pas, riposta vivement Vargas. La seule faveur que je me permettrai de solliciter encore de votre bienveillance, c'est d'avoir pitié de mon chien. Il n'est pas beau, mais il peut se rendre utile à l'écurie en faisant la chasse aux rats. On en prendra soin. Un domestique répondit au même instant à l'appel de la sonnette. Envoyez tout de suite chercher Jackson et menez ce chien aux écuries. Dites à Gilbert d'en prendre soin. Que Dieu vous bénisse, Sir Everard, dit Vargas d'une voix émue. Il se pencha vers son chien, lui baisa la tête et le rendit ensuite au domestique. Le constable, s'il est chez lui, sera ici dans 10 minutes, dit Sir Everard au vagabond. Réfléchissez. Vous avez encore le temps de revenir sur votre déposition. Ce disant, le magistrat sortit, laissant le coupable parfaitement libre de fuir par une porte de derrière. Jamais Sir Everard ne s'était montré si coulant envers un criminel. L'influence de Dulcie avait-elle donc tant d'effet sur son père?